بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نروج إلى الله سبحانه وتعالى. C'est notre deuxième assise dans l'étude de cette risala intitulée حق النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. Donc les droits du prophète عليه الصلاة والسلام écrite qui est à l'origine une conférence de Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله تعالى. Et donc aujourd'hui nous allons commencer avec le premier droit, ce premier droit qui est le fait de croire en le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ce premier droit sera traité en cinq chapitres, si vous voulez, en cinq points. Et chaque chapitre contient un certain nombre de points. Donc, يقول حفظه الله الحق الأول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc, le premier droit, croire en le prophète عليه الصلاة والسلام. فالمطلب الأول معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الإيمان به قال بعض أهل العلم مبينا معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه تصديقه وطاعته واتباع شريعته. Et donc le premier sujet qui compose ce premier droit, qui est le fait de croire en le prophète عليه الصلاة والسلام, ce croire en le prophète عليه الصلاة والسلام signifie comme quoi, comme on dit certains nombres de sciences pour expliquer la foi en le messager عليه الصلاة والسلام, si le prendre comme véridique, lui obéir et suivre sa législation comme il est rapporté dans اقتضاء الصراط d'Ibn Taymiyyah et dans بدائع الفوائد للإمام بن القيم. Donc, croire en le prophète عليه الصلاة والسلام signifie qu'on, comme on dit certains nombres de sciences, pour expliquer la foi en le messager عليه الصلاة والسلام, c'est le prendre comme véridique et obéir à ce messager عليه الصلاة والسلام et suivre sa législation. يقول الشيخ عبد الله ولهذا قال أهل العلم تصديقه صلى الله عليه وسلم يلزم منه أمران. الأمر الأول إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه جل جلاله، وأن ذلك مختص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء به من عند الله عز وجل، وأنه واجب الاتباع. Et donc, Cheikh Abdullah dit, c'est pour ça que les hommes de science ont dit, le prendre comme véridique et croire en ce prophète alayhi salatu wasalam, et le prendre comme véridique implique deux choses. Premièrement, confirmer sa prophétie et sa véracité, et confirmer la véracité du prophète alayhi salatu wasalam concernant tout ce qu'il a transmis de son souverain subhanahu wa ta'ala, et que cela lui était spécifique. Donc, le premier point, c'est confirmer la prophétie du prophète عليه الصلاة والسلام, y croire et la confirmer avec son cœur et avec ses actes, et confirmer aussi la véracité concernant tout ce qu'il a transmis عليه الصلاة والسلام, et que ceci, c'est la particulier au messager عليه الصلاة والسلام, et il est spécifique au messager عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني تصديقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء به من عند الله عز وجل، وأنه واجب الاتباع. Le deuxième point, c'est croire en ce prophète عليه الصلاة والسلام et le prendre comme véridique dans tout ce qu'il a ramené, et croire que ce qu'il a ramené vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une obligation de le suivre. Donc, le deuxième point, croire en ce prophète, alayhi wa sallam, et prendre comme véridique tout ce qu'il a ramené, et croire que ce qu'il a ramené vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une obligation de le suivre. قال يقول حفظه الله فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله عن أمور المغيبات عن الجنة والنار وعن الوعد والوعيد عن عذاب القبر ونعيمه إلى كل ما أخبر به عن الله جل جلاله في الأمور كلها يلدي حفظه الله تعالى إلي أوبليغاتواغ de le croire, alayhi salatu wassalam, et de prendre comme véridique tout ce qu'il a annoncé qui lui vient min Allah azza wa jal, et de croire que tout ce qu'il a annoncé, il lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne le domaine de l'invisible, le paradis, tout ce qu'il a annoncé concernant le paradis, concernant l'enfer, les promesses pour les croyants, les avertissements contre eux, hein, et le châtiment et les délices de la tombe, et croire aussi en ce qu'il a annoncé concernant toute chose et toute situation. قال الله جل وعز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Tout ceci pourquoi y croire et le prendre comme véridique, parce qu'il est décrit ainsi dans le verset qu'il a cité, cher ici, dans la traduction approximative du sens du verset, dans Surat l'Étoile, il est dit, il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a été révélée. Wal matlabu thani fi nawaqidhi al-iman bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ونواقد الإيمان به صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم من دين الله جل وعز، إما بإنكار أو بانتقاص. Et donc le deuxième sujet dont ce premier droit qui est le fait de croire en le prophète alayhi sallam concerne les annulatifs de la foi en le prophète alayhi sallam. Qu'est-ce qui annule cette foi en le prophète alayhi sallam? Et Cheikh il dit les annulatifs de la foi en le prophète alayhi sallam sont de deux sortes, deux catégories. La première catégorie, critiquer la personne du messager alayhi sallam et parler mal de lui. La deuxième catégorie, critiquer ce qu'il a annoncé de la religion d'Allah, soit en la rejetant, soit en la dénigrant. يقول حفظه الله فأما القسم الأول وهو الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا من نسب إليه شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله جل جلاله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ دينه وشريعته إلى الخلق. Cheikh Abdallah de dire, concernant la première catégorie des annulatifs de la foi en le prophète عليه الصلاة والسلام, dit, critiquer la personne du prophète englobe le fait de lui attribuer des choses qui sont en contradiction avec son élévation par Allah pour transmettre sa religion et sont en contradiction avec l'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce messager alayhi sallam pour transmettre sa religion et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour transmettre sa religion et sa législation à la création. Et donc la première sorte de critique, c'est critiquer la personne du prophète alayhi sallam en lui attribuant des choses qui sont en contradiction, en lui décrivant des choses qui sont en contradiction avec cette élévation et avec cette place que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre sa religion et sa législation. وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَنْ طَعَنَا في عفته أو صدقه أو صلاحه أو مسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو في خصلة من خصاله أو عرض به عليه الصلاة والسلام كل ذلك والعياذ بالله كفر بالله جل جلاله. الشيخ de dire aussi rentre dedans aussi, c'est-à-dire dans cette première catégorie, la critique de la pureté du messager alayhi salatu wassalam, la critique de sa véracité, de sa droiture, et le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam, ou lui attribuer une diminution dans sa personne, ou dans son affiliation, dans son arbre généalogique, ou faire des allusions sur la personnalité et sur les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ceci fait partie de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. أما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا من نواقض الإيمان به، وكما قلنا إما أن يكون بإنكاره أو بانتقاصه، وهذا أمر ظاهر. Et la deuxième catégorie, des annulatifs. La deuxième catégorie concernant les critiques du prophète alayhi salam, c'est critiquer ce qu'il nous a annoncé le messager alayhi salam. Critiquer ce que a annoncé le messager alayhi salam fait partie aussi des annulatifs de la foi en le messager alayhi salam. Critiquer ce qu'a annoncé le messager alayhi salam fait partie des annulatifs de la foi en le messager alayhi salam. Et il dit, Hafidhahullah, et comme nous l'avons dit auparavant, soit en rejetant ou en critiquant ce qu'il a annoncé, alayhi salatu wassalam. Il dit, ça c'est clair. يقول حفظه الله أما المطلب الثالث أدلة القرآن والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تضافرت أيها الأحبة نصوص الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعز فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل في علاه قل أطيعوا الله والرسول. والأدلة من القرآن كثيرة كما قلنا. Et le troisième sujet qui est contenu dans le fait, dans ce premier droit qui est le fait de croire en le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est, il concerne les preuves du livre et de la sunna concernant l'obligation de croire en le prophète alayhi salam. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, oh bien-aimé, les textes du livre et de la sunna sont nombreux concernant l'obligation de croire en le prophète alayhi salam. Fait partie de ces textes les versets que le cheikh a cités ici. Le premier dans la traduction approximative du sens du verset dans Surat al-Fath. Verset 9 nous dit ceci, pour que vous croyiez en Allah et son messager, et que vous faites triompher sa religion, et honorer et respecter son prophète, et que vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Et le deuxième verset, dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci, croyez en Allah et en son messager, et en la lumière que nous avons fait descendre, ici la lumière c'est le Coran, et en la lumière que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Taraboun, verset 8. Et l'autre verset dans Surat al-Imran, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci, et obéissez à Allah et à son messager, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et le dernier verset qu'il a cité, toujours dans Surat Al-Imran, verset 32, il est dit, dans la traduction approximative du sens de ce verset, dit au messager, Dis, ô messager, obéissez à Allah et au messager. Et Cheikh il dit, Abidallah Ta'ala, les preuves du Coran, comme nous l'avons dit auparavant, sont nombreux, qui montrent l'obligation de croire en ce prophète alayhi salatu salam. يقول حفظه الله وأما من نصوص السنة وأما فكثيرة أيضا نختصر على اثنين منها أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Et il dit حفظه الله تعالى quant au texte de la sunna qui sont la preuve comme quoi il est obligatoire de croire en le prophète عليه الصلاة والسلام, ils sont aussi nombreux. Il dit حفظه الله تعالى, je vais en citer deux. Muslim rapporte رحمه الله dans son authentique le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'ils n'y dignent d'être adorés qu'Allah et qu'ils croient en moi. Et qu'ils croient en moi et en ce que j'ai ramené. Et s'il le faut, leur fortune ainsi que leur vie sont protégées. Sauf s'ils transgressent les droits d'Allah, et c'est Allah qui les jugera et qui fera leur compte. يقول حفظه الله وأخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ومما قاله له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث. Et le deuxième hadith qu'il a cité ici, حفظه الله, le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dans leur authentique, et l'expression qu'il a cité ici, c'est celle de l'imam Muslim. L'histoire de l'envoi de Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée au Yémen. Et parmi ce qu'il lui a dit, tu vas aller chez les gens du livre, appelle-les à l'attestation, ni digne d'être adoré qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, apprends-leur qu'Allah leur a fait obligatoire 5 prières dans la journée et dans la nuit, le hadith, jusqu'à sa fin. Et donc, dans ce point, Cheikh Hafidhahullah, il a cité les preuves du Coran et de la Sunna qui confirment l'obligation de croire en ce prophète alayhi salatu wassalam. Amma al-matlabu al-rabi' fi umum bi'tatihi sallallahu alayhi wasallam lit-taqalayn. Taqriru hadha bayyin وظاهر لمن تأمل القرآن والسنة. فمن القرآن الكريم قول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا. قال ابن منظور في اللسان الناس قد يكونون من الإنس ومن الجن. Et le quatrième sujet concernant la foi en le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de croire comme quoi il est envoyé aux deux mondes. Croire que son message concerne les deux mondes. Le monde des djinns et le monde des humains. La confirmation de cela, comme dit Cheikh ici, est claire. La confirmation de cela est claire pour celui qui médite le Coran et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Dans le Coran, le verset qui dit dans sa traduction approximative du sens du verset dit aux gens, c'est-à-dire Ayyuhannas, je suis le messager pour vous tous. Et l'autre verset Ou la traduction approximative nous dit ceci, nous t'avons envoyé en tant que messager pour tous les gens, pour Nas en entier, en général. Nas, comme le rapporte Ibn Mandour dans le Lisan, Ibn Mandour dit, Nas peuvent être des humains, comme ils peuvent être des djinns. Il peut désigner les humains comme il désigne aussi les djinns. ويقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ذكر العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العالمون الجن والإنس دليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نذيرا للبهائم انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له Et il a cité un autre verset dans Surat le discernement, le premier verset, qui dit, dans sa traduction approximative du sens du verset, majestueux sont les bénédictions d'Allah et ses biens sont immenses et n'ont pas d'égal. C'est lui qui a descendu le discernement sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. L'alamin, les mondes. L'érudit, Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son explication du Coran, Jami' Ahkam al-Qur'an, dit que Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit l'alamoun, c'est-à-dire les mondes, ça concerne les djinns et les humains. L'alamoun, ou l'alamin, ça concerne, qui veut dire les mondes, ou les deux mondes, ça concerne les djinns et les humains. يقول حفظه الله ومن أذلة بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين من سنته صلى الله عليه وسلم Et donc la suite de ce qu'a dit le Qurtubi rahimahullah, hein, l'érudit Qurtubi a cité dans son livre Jami' Ahkam al-Qur'an qu'Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit les mondes c'est l'alamin, c'est le djinn et les humains. Le Qurtubi dit sa preuve, c'est-à-dire la preuve d'Abdullah ibn Abbas est dans le verset qui dit, dans sa traduction approximative, qu'il soit avertisseur pour les mondes. Et il n'a pas été avertisseur pour les animaux. Fin de citation. Il n'a pas été avertisseur, hein, pour les animaux. Fin de citation. Donc tout ceci, il le rapporte d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et, comme disent les hommes de science, hein? Le Coran s'explique par le Coran et aussi s'explique par la Sunna et s'explique aussi par hein, les interprétations du noble compagnon Ridwanullah alayhim. ومن أدلة بعثته صلى الله عليه وسلم التقلين من سنته صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر من ذلك وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة والناس هناك الناس فيما تقدم بيانه إيه اللي حفظه الله تعالى il fait partie des preuves des des preuves dans la sunna comme quoi le messager alayhi salam est envoyé aux deux mondes, aux jeunes et aux humains. Ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dans les authentiques, le hadith du Jabir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, que le prophète alayhi salam a dit, il m'a été donné chaque chose qui n'ont pas été données à quelqu'un d'autre avant moi. Il les a cités alayhi salam, et il a dit, le prophète, c'est-à-dire parmi ces choses, hein, le prophète était envoyé pour son peuple uniquement, et j'étais envoyé aux gens, à Nas en général. Nas ici, comme ce qui a été dit par Ibn Abbas concernant le verset, ça concerne les deux mondes. Nas ici concerne les jeunes et les humains. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقوله بعثت إلى الناس عامة فوقع في رواية مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع. Et le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans l'explication qu'il a fait de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, a dit, la parole du prophète, alayhi sallam, et j'ai été envoyé à Nas, aux gens en général, il a été dit dans une version de Muslim, j'ai été envoyé à tout rouge et tout noir. Il a été dit que le rouge désigne l'ajam, les noms arabes, et les noirs, les arabes. Il a été dit aussi que le rouge désigne les humains et le noir les jeunes. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce qui a été stipulé auparavant. Hein? Et il a cité l'ins, hein? Pour attirer l'attention sur plus haut. Et il est envoyé, alayhi salatu salam, à tous, c'est-à-dire aux génies et aux humains, comme le dit le Hafid ibn Hajar dans le Fath. Donc, s'il est envoyé, il a été envoyé aux deux mondes, les jeunes et les humains, alayhi salatu salam. Wa akhraja muslimun fi sahih. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت للغنائم وجعلت للأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. L'autre حديث لمن مسلم غبط dans son authentique. Le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, que le prophète, alayhi salam, a dit, j'ai plus de mérite par rapport aux autres prophètes. Il m'a été donné six choses, hein. J'ai plus de mérite par rapport aux autres prophète par rapport, par six choses qui lui ont été données, alayhi salatu salam. Il dit, il m'a été donné la synthèse de la parole, c'est-à-dire peu de mots, duquel on tire, les hommes de science tirent beaucoup de leçons et beaucoup de règles. Il m'a été donné la synthèse de la parole, et on m'a fait triompher par la peur, et le butin m'a été licite, et la terre est un moyen de purification et un lieu de prière pour moi, et j'étais envoyé à toutes les créatures, c'est-à-dire le monde des jeunes et des humains. Et je suis le dernier des prophètes, alayhimu salatu salam. Et je suis le dernier des prophètes, alayhimu salatu salam. يقول الشيخ عبد الله ففي قوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة دلالة واضحة لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين، وهي رواية صريحة شاملة كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. شيخ عبد الله يدي Et dans sa parole, j'ai été envoyé à toutes les créatures. Ceci est une preuve claire comme quoi ce messager a été envoyé aux jinns et aux humains. Et ça, c'est une version claire comme il l'a dit le Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayh. Dire la version de ce hadith est une version qui est claire, comme l'a dit الحافظ بن حجر رحمه الله. يقول حفظه الله: وكذلك بالتأمل في سنته العملية صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا، فدعوته للبشرية ظاهر، فدعا كفار قريش وغيرهم ودعا الجن أيضا، وهذا ظاهر لمن تأمل صورة الجن وتنظر قصتهم في صحيح البخاري. Et Cheikh Abdallah, il dit, et ceci est clair, en méditant sa sunna au niveau des actes, au niveau de ses actes, alayhi salatu salam, il a, en méditant ses actes, alayhi salatu salam, il apparaît clairement que sa da'wa était pour les humains. Il a appelé les mécréants de Quraysh et autres. Et il a appelé aussi le djinn. Et ceci est clair pour tout un chacun qui aura médité surat al-djinn et qui lit leur histoire dans l'authentique de l'Bukhari. Donc, dans ce paragraphe, Cheikh Abdallah, il nous montre comme quoi l'envoi du messager alayhi salatu salam est confirmé, il est authentique, comme quoi il est envoyé aux humains comme il est envoyé aux jinn aussi alayhi salatu salam. Amma al-matlab al-khamis fi wujub al-iman bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ballagha ar-risalata wa akmalaha. Le cinquième point concernant l'obligation de croire on se prophète alayhi salatu salam, c'est le fait de croire comme quoi il a transmis le message comme il se doit et complètement. Il l'a transmis complètement et comme il se doit. يقول حفظه الله: سبق معنا ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأنه فيها قوله: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. Et donc le cinquième sujet qui compose l'obligation de croire en le prophète alayhi salatu salam, c'est le fait de croire qu'il a transmis le message comme il se doit et complètement. Il l'a transmis complètement et comme il se doit. Il dit, Hafidhahullah, Cheikh Abdallah, nous avons cité auparavant le hadith de Abdullah ibn Amr al-As chez l'imam Bukhari concernant la description du messager alayhi salatu salam dans Taurat, dans la Torah. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit dans ce hadith qui a été cité auparavant au début de la première assise, il est dit dans ce hadith: et Allah ne prendra pas son âme avant qu'il n'ait par son biais redressé la communauté des viantes, qu'il dise la ilaha illallah ni din ditradurik Allah, par laquelle il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. يقول الشيخ عبد الله: يصدق هذا قول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول حفظه الله في هذه الآية دليل ظاهر بين على كمال هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت إلا وقد أتم البلاغ وأكمله وبينه في أتم بيان وأحسنه وأوضحه، وهي شهادة من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. اللي حفظه الله تعالى renforce ce qui est contenu dans ce hadith, il lui donne la véracité. Le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, et je vous ai comblé de mon bienfait, et je vous agrée l'islam comme religion. Cheikh Abdallah, il dit, ce verset est une preuve claire comme quoi cette religion est parachevée, et que le prophète alayhi salatu salam a transmis complètement comme il se doit le message avant sa mort, et il en a donné des éclaircissements complets, clairs et parfaits alayhi salatu salam. Et que le messager alayhi salatu salam n'a rien omis du message. يقول الشيخ عبد الله أخرج et aussi ce verset est aussi un témoignage d'Allah pour son prophète. Allah atteste comme quoi ce messager alayhi salatu salam il a transmis comme il se doit et il a rempli la fonction qui lui était obligatoire, qui est la transmission complète et l'éclaircissement. Alayhi salatu salam. يقول الشيخ عبد الله خرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة حجة الوداع: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعي السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. إيه الشيخ عبد الله السيتي. Le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah dans son authentique, le hadith long de Jabir concernant la description du pèlerinage du prophète alayhi salatu salam, il a pris juste la plage du témoignage ici, de la preuve ici, comme quoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a transmis comme il se doit. Et donc, dans ce hadith, il est dit que le messager d'Allah a dit dans sa khutba d'adieu: je vous ai laissé ce à quoi, si vous vous y cramponnez, vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah, et vous allez être questionnés me concernant. Qu'est-ce que vous allez dire? Et ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, nous attestons que tu as transmis. Ils ont dit, ridwanullah alayhim, nous attestons que tu as transmis. C'est la place de la preuve ici. Comme quoi, alayhi salatu salam, il a transmis complètement. Donc, ils ont dit, nous attestons que tu as transmis et que tu t'es acquitté du dépôt comme il se doit et tu as conseillé. Et alayhi salatu salam, il a levé son index vers le ciel et il l'a retourné vers les gens 3 fois en disant: « Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. » يقول الشيخ عبد الله حفظه الله: فهذه شهادة من خير القرون صحابته رضوان الله تعالى عليهم بأنه قد نصح وبلغ وأدى، وهم خير خلق الله بعد نبي الله صلوات الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Et Cheikh Abdallah il dit, concernant la parole du noble compagnon Ridwanullah alayhim, nous attestons que tu as transmis, il dit ceci est une attestation, est un témoignage de la meilleure des générations qui sont ses compagnons que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, comme quoi ils attestent, ils témoignent, comme quoi il a conseillé, transmis, et qu'il s'y est acquitté du dépôt. Et c'est la meilleure, et c'est les meilleurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes alayhim salatu wa salam, ses nobles compagnons d'Allah alayhim. Et il a cité le verset hein, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô messager, transmis ce qui t'a été descendu de ton souverain. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protège des gens. » تقول عائشة رضي الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأرضاها عند هذه الآية من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Et Aïcha, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, comme il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah et par l'imam Muslim, Aïcha, notre mère, la véridique, la fille du véridique, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré et agré son père, concernant ce verset, il a dit Ridwanullahi alayha, il a dit Ridwanullahi alayha, celui qui te dit que Muhammad alayhi salatu wassalam a caché quelque chose qu'Allah a descendu, il a menti. C'est un menteur. Et Allah a dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô messager, transmis ce qui t'a été descendu de ton souverain. » Hein? Donc regarde, cette, comment, Aïcha radiallahu anha, quelqu'un qui te dit que, alayhi salatu wassalam, il a caché quelque chose du message, ou de ce qui a été, lui a été descendu de Allah, Zawajal, c'est un menteur. Hein? Et que le messager a transmis complètement comme il se doit. يقول الشيخ عبد الله فمن حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يقروا له بفضله وأمانته وصدقه فيما بلغ عن ربه وشريعته وأنه قام بالبلاغ على أكمل وأتم وأوضح ما يكون. Et Cheikh Abdallah de dire, donc sa communauté a le devoir, il est du devoir de sa communauté de reconnaître et de confirmer les mérites de ce prophète alayhi salatu wassalam, de reconnaître la loyauté de ce prophète alayhi salatu wassalam, de reconnaître sa véracité dans tout ce qu'il a transmis de son souverain subhanahu wa ta'ala, et de confirmer et de reconnaître comme quoi il a accompli la transmission de la façon la plus complète. Et il en a donné les éclaircissements les plus clairs, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et nous arrêtons là, inshallah, avec ce premier hein, droit du prophète alayhi salatu wassalam, qui est composé en 5 points. D'abord, le droit du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le fait de croire en ce prophète alayhi salatu wassalam, qui est composé de 5 sujets. Le premier, la signification de la foi en le prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième, hein, lui-même contient 2 points, et le deuxième sujet dans la foi dans le prophète, dans le droit, dans la foi en le prophète alayhi salatu wassalam, concerne les annulatifs du la foi en le prophète alayhi salatu wassalam, qui est composé de 2 sortes d'annulation, d'annulatifs. Et le troisième sujet, c'est les preuves du Coran et de la Sunna qui concernent l'obligation de croire en ce prophète alayhi salatu wassalam. Le quatrième sujet, que concerne le fait comme quoi ce messager alayhi salam a été envoyé aux deux mondes, les jeunes et les humains, comme quoi il faut avoir une croyance irréfutable sur ce point. Et le cinquième point, qui est le dernier dans ce premier droit, c'est l'obligation de croire comme quoi que le messager alayhi salam a transmis une transmission complète et claire de tout ce qui lui a été révélé, de tout ce qui lui a été descendu. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Fa sallallahu al-azim, Rabbul arsh al-azim, j'anna wa iyaakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيراً